était une jolie fleur de pierre. Elle était accoudée contre le mur de pierre. Et moi, je m'avance avec mon chien et ma bière. Et moi, je m'avance pour lui culbuter le derrière. Salut Boulette. Salut Boulette. Elle avait les yeux d'une bouteille de gros et les formes généreuses d'un beau tonneau. Moi j'étais musclé comme un bracelet à clous, mais ça m'a pas empêché de lui mettre un bon coup. Wow, wow, wow, wow. Jamais revu, je suis resté seul avec mon chien et ma bière. Je suis resté seul à masturber ma crête. Je suis resté seul à écrire des chansons d'amour. Wow, wow, wow, wow, pour l'anarchie. Wow, wow.